Chapitre 9e. L'entretien de Wolfgang et de la duchesse della Sorga ne fut pas interrompu par leurs réflexions secrètes. Lui, se disant qu'il saurait bien la forcer à un aveu, elle se demandant si elle devait ôter son masque et se montrer telle qu'elle était, au risque d'épouvanter Wolfgang. Cependant, hésitant devant cette extrémité suprême, Madame della Sorga, après ces derniers mots de son interlocuteur, « Je ne suis pas jaloux », lui avait répondu en souriant « Me voici donc obligé de tenir ma promesse et de vous dire, monsieur, si je suis ou non jalouse, ou plutôt, si j'étais ou non jalouse, car en vérité, à mon âge, » ajoute la duchesse, épiant d'un regard anxieux la physionomie de Wolfgang, « à mon âge, lorsqu'on est mère de deux grands garçons, lorsqu'on est, en un mot, une bonne vieille femme de 40 ans bientôt, parler d'amour et de jalousie, autrement que pour mémoire, comme on dit, serait outrageusement ridicule, n'est-il pas vrai, monsieur ?»« Madame, vous m'embarrassez beaucoup. »« Vous embarrassez, vous ?»« Extrêmement. J'ai en aversion les fadeurs et la banalité des compliments qu'impose la courtoisie. Je devrais donc, en homme bien élevé, prendre un air fort surpris et m'écrier, selon l'usage consacré, « Quoi, madame, ce grand et beau garçon que j'ai vu hier chez moi est l'un de vos fils ? Je l'aurais cru votre frère. » Ou bien encore, si cette formule surannée ne semblait pas trop stupide, vous répondre « Non, madame, vous n'avez point 40 ans, vous avez eu 2 fois 20 ans. Et d'ailleurs, la question d'âge ne signifie rien, sinon que vous êtes belle depuis plus longtemps que d'autres, voilà tout. Or, à quoi bon vous dire une chose dont vous êtes convaincue ? À quoi bon me rendre ainsi l'écho superflu des admirations méritées que vous inspirez ? Mais je vous le répète, j'ai les fadeurs en aversion. Donc, soit, excusez ma brutalité, madame. Vous êtes une bonne vieille femme qui ne peut plus parler d'amour et de jalousie que pour mémoire. » Cette spirituelle boutade serait-elle une déclaration voilée ? Se demandait Madame della Sorga, palpitante d'espoir, et cédant à un retour de son hypocrisie habituelle. « Il va de soi, dit-elle tout haut, qu'en vous parlant, monsieur, de l'amour ou de la jalousie que j'ai pu éprouver, ces sentiments ne pouvaient avoir pour objet que Monsieur della Sorga. Ce serait vous faire injure, madame, que de se permettre seulement de supposer le contraire, » répond Wolfgang avec une telle apparence de conviction que la duchesse se dit à part soi. Plus de doute, l'austérité de ma réputation lui impose cette réserve, cette contrainte qui perce dans ses paroles. Puis Madame della Sorga reprend tout haut et presque brusquement. « Soyez sincère, que pensez-vous de moi ? Je ressens, madame, le respect et l'admiration si légitimes que vous inspirez à tous ceux qui ont l'honneur de vous connaître. Quoi ? Une telle réponse de votre part, monsieur ? Vous, l'ennemi déclaré des fadeurs et des banalités ? Vous devez en effet, madame, trouver fades et banales ces expressions de respect et d'admiration. Si souvent répétées autour de vous, mais de grâce, à qui la faute ? Tenez, monsieur Wolfgang, vous êtes très pénétrant, n'est-ce pas ? Fort peu, au contraire. Allons, vous raillez. Non, vraiment, madame. Comment ? Malgré votre expérience du monde, votre esprit si remarquable et si profond, vous vous arrêtez aux surfaces, aux apparences, sans jamais chercher à les sonder. Lors même, madame, que je posséderais cette pénétration dont il vous plaît de me douer, je me garderais bien d'en faire un si mauvais usage. En sondant les apparences ? Certes, elles cachent souvent de si laides réalités. Et puis il m'a toujours paru de très mauvais goût d'abord, et ensuite très fâcheux pour soi-même de venir en butor, fouiller et renverser un édifice souvent élevé avec tant de soin, tant d'habileté, tant de merveilleux artifices, et offrant en somme un aspect imposant ou enchanteur. Et pourquoi, je vous prie, madame, cette sauvage destruction ? Pour se donner le sot et triste plaisir de contempler, au milieu de ces ruines, quelques noires et hideuses réalités au lieu du brillant et séduisant mirage qui vous trompait, mais aussi vous charmait. Non, non, heureux et sages sont les crédules. » Est-il sincère ou ce langage n'est-il qu'une amère ironie ? Je suis au supplice, cet homme est impénétrable, se disait Madame della Sorga, et tout haut elle reprenait. En ce cas, monsieur, pour être conséquent avec vous-même, l'hypocrisie ne devrait pas vous inspirer l'horreur qu'elle soulève d'habitude, car enfin, l'hypocrisie n'est que l'art de produire de séduisants mirages. Sans doute. Aussi, tant que je suis sa dupe, l'hypocrisie me charme, puisqu'elle me fait croire au bien. Mais lorsque je la pénètre, elle me révolte. Ainsi, le vice, ayant du moins l'audace de s'affirmer le front haut, vous inspirerait moins d'aversion que le vice rusé, flatteur et lâche. Certes, madame, J'aimerais mieux avoir à me défendre du poignard qui brille à mes yeux que du poison caché. Monsieur Wolfram, reprend Madame Della Sorga ensuite d'un moment de silence, vous allez vous étonner des soubresauts de ma causerie, qui d'un bond et sans aucune transition passe d'un sujet à un autre. Croyez-vous à ces passions soudaines, irrésistibles, qui prennent sur nous autres femmes tant d'empire, qu'elles nous font oublier toute prudence, toute réserve, et nous livrent sans merci à la tendre pitié ou au mépris de l'objet de cette passion? Voici que de nouveau vous m'embarrassez, madame. En quoi, de grâce? Selon les règles de la plus vulgaire galanterie, je devrais vous répondre, madame, jusqu'à présent je doutais de ces amours soudains, irrésistibles, ajoute Wolfram avec un accent passionné. Cependant, depuis que j'ai le bonheur et le tourment de vous connaître, il me faut bien, puisque je le ressens, croire à ce soudain, à cet invincible attrait qui nous séduit, nous égare, nous entraîne. Quel que soit le danger et la folie d'un tel amour, celle qui l'inspire ne dut-elle éprouver pour nous qu'éloignement ou dédain, nous ne vivons plus en nous, hélas, nous vivons en elle. Mais, reprend Wolfram, changeant subitement d'accent et redevenant sardonique et froid, mais fidèle à mon aversion des fadeurs banales, je vous dirai simplement, madame, que je n'ai jamais cru, que je ne crois point du tout à ces amours fabuleux. Madame Della Sorga avait été au moment de se trahir en entendant Wolfram accentuer, d'un ton ému et d'une voix vibrante, cette réponse qu'elle regardait, disait-il, comme une fadeur banale. Et pourtant le feu de son regard et sa physionomie altérée semblaient témoigner d'une impression si profonde que la duchesse, éperdue, enivrée, allait, nous le répétons, se trahir, lorsque les dernières paroles de Wolfram, prononcées avec l'ironie glaciale dans ses traits, furent empreintes de nouveau, affligèrent aussi de nouveau Madame Della Sorga, dès lors rejetée dans un abîme de doute et de perplexité. Elle se reprenait à désespérer de pénétrer la pensée de Wolfram. Ou bien il se jouait insolemment d'elle, ou bien l'austère réputation dont elle jouissait le contenait tellement que, de crainte de voir son aveu repoussé comme un outrage, il recourait à une feinte adroite, afin de laisser transparaître, sous le voile de prétendues fadeurs banales, l'impression que lui causait la beauté de la duchesse, malgré son âge. Cette interprétation flattait trop le secret penchant de Madame Della Sorga pour qu'elle ne s'y arrêtât point. Elle se raffermit dans cette créance que Wolfram, très amoureux, mais trop justement fier pour s'exposer au dédain d'une femme de 40 ans, dont la rigide vertu lui imposait, avait besoin, ainsi que l'on dit vulgairement, d'être encouragée.